ils avaient encore une fois repensé le gameplay. Alors tous les ans, ah ouais, ils, par contre, là, ils changeaient ouais. le gameplay. Mmh. Mais FIFA 2001 sur PS1, c'était la meilleure version d'un FIFA sorti sur PS1. Ouais. Parce que c'était pratiquement le dernier aussi, et de la console. Et ils avaient, comment dire, encore plus non, poussé... Ils sont... C'est pas le dernier non, de la non, console. Un des derniers. Un des derniers, ouais. Ils avaient encore plus poussé le côté simulation avec plein de tactiques disponibles pendant le jeu. Et t'avais également des caméras vraiment adaptées. T'avais un jeu posé hyper fluide. Ouais. Et franchement, je me souviens avoir joué avec Arsenal, fait la saison, fait la Coupe d'Europe, etc. Non, mais franchement, c'était excellent. Non, le FIFA 2001, même sur PC. Alors. Mon PC commençait à tirer un peu la langue, donc j'avais un FIFA 2001 où je devais jouer en moyen, parce que si je mettais le truc à fond, ça laguait, c'était pas beau. Mais j'avais été vraiment impressionné par ce FIFA 2001. Alors je me rappelle plus sur la version PlayStation si c'était comme ça, mais dans la version PC, quand tu marquais, tu avais les joueurs, t'écoutais crier les joueurs en fait. Ah d'accord. Et tu avais toutes les équipes qui avaient leur sponsor. Bon, mis à part les gardiens, mais t'avais tous les maillots de fées de l'époque. Ils avaient plein complètement. De stades aussi. T'avais plein de stades, et puis c'est vrai que ça avait été complètement. Le gameplay avait été refait, et c'était pas mal. Je trouvais un peu dur quand même sur PlayStation, je trouvais plus dur que sur la version PC. Et je me souviens, tu te souviens de la version PC, t'avais un CD qui était assez spécial. Quand tu frottais le CD, ça sentait il disait l'herbe qui venait d'être tondue en fait. Ouais. Bah, sur PS1, c'est pareil. T'avais une version qui était sortie dès les premières ventes, qui était disponible en édition limitée, avec l'odeur de gazon pour le jeu quand le CD tournait dans la console. Et ça sentait. En fait, il y avait une odeur de parfum de pelouse, c'est vrai. Ouais, ça, c'est indescriptible. Je l'ai l'odeur là, tu vois, rien que d'y penser. Mais j'arriverai comme pour pas les toilettes, comme une odeur de pain des Landes en fait. une odeur de sapin pour les toilettes, je sais pas. Mais en général, la pelouse sur un terrain de foot, elle sent rien du tout. Donc, Ça sent pas trop ça, ou alors faudrait que c'est plu et puis que voilà. Mais ils avaient fait aussi une version pour Gran Turismo, si tu te souviens, où ça sentait les pneus brûlés. Quand tu mettais le CD, ouais. D'accord. Ouais, c'était pas mal cette histoire. Ouais. Il y avait deux jeux comme ça à l'époque. Et il y a eu une erreur dans FIFA 2001. Alors moi, c'est je vous parle sur la version PC. Peut-être que sur la version PlayStation, il y a aussi. Tu avais l'équipe de France et dedans, tu avais un joueur qui n'a jamais évolué en équipe de France, qui était présent. Fabien Brandès, un joueur qui jouait en Brand ou Brandès, je sais pas comment on dit, qui jouait à Sedan à l'époque. Il était dans l'équipe de France. C'est dingue. Je sais pas pourquoi, comment ils ont pu croire qu'il était en équipe de France. J'ai regardé, je sais même pas s'il a fait l'équipe de France Espoir, mais il était en équipe de France. Sûrement en rapport avec le sultan de Brunei. Il a peut-être payé pour dire mettez-moi en équipe de France. Je sais pas, c'est bizarre quand même. Hein. Il y avait plein de trucs comme ça, je sais pas. Ouais, il y a plein de petites choses. Il y a des gestes techniques qui sont rajoutés. Là, je vois, t'as la nouvelle roulette de Zidane qui est ajoutée dans le jeu. Oui. T'as des nouveaux passements de jambes. T'as le choix du pressing, du hors-jeu, dans les tactiques. T'as également, comme dans mes souvenirs, je disais tout à l'heure, tu peux jouer la Coupe des clubs champions et la Coupe UEFA. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y avait autant de clubs avec leur vrai maillot, c'est qu'ils devaient être sous licence de la compétition. Il y a peut-être un rapport. Et il y avait un mode entraînement également pour les coups francs, tir au but, et puis un match d'entraînement aussi. La version 2001, elle est sortie, donc c'est le premier FIFA qui est sorti sur la PS2 aussi. Ouais. Ah, c'était une autre version, souviens, par contre. Là. Ouais, c'est sorti beaucoup plus tard. Hein. Il est sorti en mai. Celui-là, il a dû sortir en mai 2001, peut-être, non? Alors les dates, je pourrais pas te le dire. Je pense que c'est en mai 2001 parce que moi, quand il est sorti, j'étais en Espagne avec ma classe en fait. On était parti en Espagne. Il venait de sortir. On était allé dans un magasin de jeux vidéo à Madrid. C'était à Séville. Et il venait de sortir. Et c'est en fait, ce qui démarquait la PS, enfin des autres consoles, c'est que les gardiens avaient la licence sur leur maillot en fait. D'accord. Avaient les sponsors sur leur maillot. C'est le seul truc qui changeait des autres versions en fait. Bah, c'est certain que de toute manière, ils voulaient se démarquer à tout prix de la PS1 et Voilà. remodéliser les joueurs, refaire les terrains, l'aspect graphique, Quand tu mais regardes, c'est c'est vrai que raté, hein. bah c'est raté, mais quand tu regardes, la version PC est 1000 fois plus jolie que la version PS2 en fait, et 1000 fois plus jouable. Bah, ils auraient dû faire une version PS1 avec des graphismes meilleurs, mais garder ce gameplay-là, comme sur PC, faire la Ça. version PC sur PS2. Ils ont voulu à tout prix, parce que en général, les jeux à l'époque sortaient avant Noël, tout ce qui était Novembre. NHL, Madden, NBA Live et tout ça. Et là, on sort. Bah, NBA Live, c'est pareil, attention, ils nous ont sorti une version de NBA Live catastrophique, je me souviens. Le Ah premier jeu. oui, ben, même le. Alors, il y a un truc. Attends, on reparlera de NBA parce que ça me fait penser à un truc. C'est Ouais. que de FIFA 99 à FIFA 2000, Ronaldo n'avait pas son vrai nom dedans en Oui, fait. Il oui, s'appelait oui. numéro Ouais, 9. numéro 9, voilà. Ouais. Et Pelé s'appelait numéro 10. Ouais. Et on retrouvait ce genre de. Ben, c'est qu'ils n'avaient pas voulu être dans le jeu. En plus, Ronaldo, il avait son propre jeu hein, qui était sorti en 99, Ronaldo V Football. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il ne voulait pas son nom dans le jeu. Et on retrouve ça avec Michael Jordan dans NBA. Il s'appelait Player 99 ou un truc comme ça. Ou Player, il s'appelait Ouais. dans NBA en fait. Ah, il y a plein de jeux comme ça. Il y avait aussi Total NBA où il n'y avait pas son nom, il fallait le modifier. Il y avait. Bah quand tu Mais. pouvais modifier, là ça va Ouais. dans NBA, tu pouvais, mais sinon. Ah ouais, c'était compliqué. Mais en plus, ce qui était bien dans les NBA Live, c'est que quand tu rajoutais le nom du joueur, tu avais comment dire, un logiciel qui gérait les lettres. C'est-à-dire que le speaker allait dire le nom du joueur une fois T'allais à qu'il le dire était ton nom. écrit. J'adorais, en plus comme moi mon nom de famille c'est comme un prénom, bah, à chaque fois je pouvais avoir. Je pouvais avoir mon nom qui était dit par le speaker, enfin par le commentateur. C'était génial, ça, tu Ouais, vois. je comprends. Ouais. Et dans FIFA, c'est vrai qu'on n'avait pas cette histoire-là de gestion des noms avec le speaker du stade. Ben, FIFA 2001, c'est le dernier jeu où tu peux, enfin le dernier jeu avant FIFA 2005 où tu pouvais utiliser l'éditeur. D'accord. À partir du 2002, l'éditeur, il sera plus du tout. Il sera plus, bah, il y aura pas d'éditeur en fait, tu pourras pas éditer tes joueurs. Ah, c'est dommage Ou ça. à partir du 2003, parce que en fait, ouais, bah, vas-y, de toute façon, on va arriver au 2002, j'ai des trucs à dire dessus. Ouais. Et donc voilà, pour ce FIFA 2001, il y avait Thierry Gilardi et Paganelli au commentaire. Toujours, ouais. Et puis il y avait Thierry Henry sur la jaquette pour les Français. Alors je sais pas qui avait sur les autres jaquettes à l'étranger. T'avais Edgar Davids pour les Pays-Bas, t'avais Paul Scholes pour l'Angleterre, George Agee pour la Roumanie. Mais il est vraiment sorti en Roumanie le jeu. Ah, mais c'est possible. Ouais. De toute façon, et regarde, même en Israël, t'avais un joueur israélien. Et je me souviens pour FIFA 99, FIFA 2000, pardon, ou 99, non, c'est le 2000, tu pouvais télécharger le championnat grec et le championnat israélien en fait. D'accord, mais tu le téléchargeais comment? Bah, en fait, tu pouvais le télécharger sur Internet et tu le remplaçais par un autre championnat en fait. Et moi, j'avais vu le championnat grec et c'est vrai que tu avais le PANA et c'était vachement bien fait. Et c'est pour ça que, en fait, si tu veux, pour le championnat de Grèce, pour la Grèce, l'Israël, peut-être la. Bon, on peut plus quel autre. Ils enlevaient un championnat et ils rajoutaient le championnat grec et israélien en fait à la place. D'accord. C'est vrai qu'il n'y avait peut-être pas la possibilité de mettre encore plus de championnats en plus des autres. Bah, maintenant ils s'embêtent pas. Hein. Ils achètent les licences de championnat. Si le mec il habite en Israël qui a pas son championnat, bah tant pis pour lui. Mais à l'époque il avait son propre championnat en fait, qui remplaçait un autre championnat quoi, un championnat qui était moins huppé que les autres quoi. Et donc voilà, on arrive à ce FIFA 2002 avec la Coupe du Monde en ligne de mire. Et ben, ce FIFA 2002, comment tu l'as Bah moi, vécu? écoute, moi je l'ai. C'est un des seuls FIFA que j'ai peu touché parce qu'en fait, si tu veux, à l'époque, je déménageais D'accord. et on était. Bah, en fait, le temps que la maison. Donc, on avait vendu notre maison qu'on avait. On habitait, enfin, je parle avec mes parents, je dis on, hein, c'est avec mes parents, parce que j'avais 16 ans à l'époque. On habitait dans une maison qui n'était pas finie, donc en fait, on a habité chez une tante à mon père qui nous avait laissé sa maison pendant qu'elle était en maison de retraite. Et pendant ce temps-là, j'avais ma PlayStation. Mais comme mes parents, bah, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, tu vois, à l'époque. Bon, bah, j'avais pas pu m'acheter FIFA 2002. Je l'ai peu testé et je l'ai peu joué. Mais le peu que j'ai joué, j'ai été très, très, très déçu, en fait. Ouais. Parce que niveau graphisme, ils avaient complètement changé le graphisme. Je trouvais plus moche que le FIFA 2001. Et puis, ils avaient rajouté la jauge des passes que tu pouvais enlever plus tard. Mais tu avais la jauge des passes et puis une jauge de frappe. Pour moi, ça m'avait complètement... Je me retrouvais plus dans FIFA, en fait. Ouais, je comprends, ouais. Mais je pense qu'ils avaient voulu calquer, là, le jeu, la version PS2 sur la PS1. Et sur PC, il y avait une petite différence, peut-être, encore, mais... Tu vois, j'ai peu joué à ce jeu-là, donc... J'ai pas trop de souvenirs, en fait. Ouais. Bah, moi, c'est pareil, hein. Moi, à cette époque-là, on était tous à fond. C'était la période vraiment où ESS était. Bah, c'était le summum. Était au top, ouais. Et voilà, moi, j'avais ESS à la place de FIFA, quoi, parce que c'était mieux. Ouais. Et sincèrement, quand tu rejouais à FIFA, tu voyais tellement de défauts et. Il y avait toujours ce problème de collision qui n'existait pas dans les FIFA. Mmh. Le ballon qui collait au pied. C'est tu ça. Pouvais traverser les défenses sans te forcer, sans à faire de passes. Par contre, il y avait une qualité dans ce FIFA 2002, avant Coupe du Monde sur PC, c'était que tu avais des super beaux stades, des super belles pelouses. Ouais. Les filets qui bougeaient plus ou moins aussi quand tu marquais un but. Tu avais les fumigènes. Ouais, je m'en souviens même plus, tu vois, des fumigènes. Et t'avais les visages des joueurs qui étaient mieux faits aussi, pour les joueurs connus. Ah oui, par contre, ouais, là, tu reconnaissais les joueurs, là, certains joueurs. C'est vrai que tu reconnaissais. Et on peut parler en même temps de Coupe du Monde 2002. Cette Coupe du Monde 2002, je crois que c'est un des pires de tous les Coupes du Monde qui est sorti sur console, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il y avait, moi, sincèrement, en rejoint certains, il n'y avait que la version PS1 qui sortait un peu du lot, parce qu'elle avait gardé son gameplay d'époque. Ouais. Mais par contre, les versions GameCube, les versions PS2, les versions, je ne sais plus ce qu'il y avait d'autres. Bah, Xbox aussi, je crois. Hein, il était sorti sur Xbox aussi. Catastrophe. C'était catastrophique. J'avais testé à l'époque où je testais souvent dans les supermarchés. Je voulais me l'acheter en fait et j'avais la possibilité de le tester et ça m'a complètement j'ai rebroussé chemin quoi parce que j'ai dit c'est pas possible je dis tant pis hein, je vais continuer sur ISS parce que franchement je m'amusais énormément dessus et pour moi c'était une arnaque ce jeu quoi, c'était pas beau, c'était rien que de toute façon ça allait bien avec cette Coupe du Monde finalement parce que la Coupe du Monde 2002 elle était pourrie cette Coupe du Monde quoi. C'est vrai. Et je trouve que c'est un ensemble, quoi, en fait. Un ensemble du jeu le plus vendu au monde, voilà. Dans le football, avec le jeu officiel de la Coupe du Monde, on va dire, quoi. Mais c'est surtout que ISS, à l'époque, sans les licences, en modifiant seulement les noms, bah, t'avais tout l'esprit des équipes nationales de l'époque, avec les plus grands joueurs comme Beckham, Figo et Zidane, qui avaient leurs gestes, et puis plus de sensations à jouer une Coupe du Monde avec un jeu qui n'était pas fini, avec un gameplay meilleur qu'avec le jeu officiel de la Coupe du Monde. C'était quand même un comble, un paradoxe. Mais par contre, sur ces FIFA-là, le public avait déjà commencé à apparaître dans les tribunes, parce que je vois, par exemple, je crois que jusqu'à FIFA 99 ou quelque chose comme ça, t'avais des grands ronds plaqués dans les tribunes. C'était des bouillies, c'est une bouillie de pixels. Et là, t'as des gens modélisés en tribune qui sont assez bien faits dans le 2002 avec des drapeaux, etc. C'est vrai. C'est vraiment pas mal du tout. Mais ça reste... FIFA est perdu, je te trouve, durant cette époque-là. 99 jusqu'à 2004, il y a une grosse période de vide. Ouais, c'est ça. Je dirais plus de FIFA 2000, FIFA 2001 à 2004. Pour moi, ils sont un petit peu perdus, voire peut-être un peu plus loin. Mais je trouve qu'ils sont, de 2001 à FIFA 09. Je pense que c'était T'avais mieux à l'époque quand même. Oui. Ah oui, le concurrent faisait mieux. Il n'y a C'est pas ça. photo. Après, le problème, c'est que voilà, tu avais dans FIFA énormément de clubs. Ah voilà, t'avais toutes les licences qui commencent à commencer là, les licences, hein. T'avais le championnat de France, t'avais tous les maillots, voilà, ça commençait à partir de FIFA 2001, et c'est vrai que bon bah celui qui avait pas envie de refaire les maillots, il préférait prendre FIFA, quoi. Mais bon, je pense que voilà, à partir de cette époque-là, c'était le début du trou noir pour Electronic Arts, même s'il y avait des ventes, hein, mais les gamers que je pouvais rencontrer ou avec qui on était, les gens avec qui on était amis, eh ben, ils détestaient vraiment ce FIFA. Hein, surtout le FIFA 2002, ça a été le creux du trou noir. Ah C'est-à-dire ouais, que ça c'est a été obligé. le pire. Le pire Surtout quand tu avais cette PS2 qui venait de sortir et tellement d'espérance en te disant tiens, c'est un nouvel outil graphique qui va permettre d'avoir un meilleur jeu, et ben finalement non. Moi je compare ça un peu à la PS3 quand elle a reçu le tout premier PES Ouf, qui était catastrophique, de PES 2006, 2008, ouais, 2008, 2008, ouais. oui. La transition avait été ratée par Konami pour la PS3, et là la transition a été foirée sur la PS2, C'est par ça. Electronic Arts. C'est marrant, hein, j'ai l'impression que vraiment après dans l'histoire ils ont retenu la leçon, j'ai l'impression. ils se sont pas pris en retard pour les nouvelles consoles qui sortaient, Ouais. pour une fois. Donc voilà, FIFA 2002, bah, c'était un contenu énorme, mais un jeu arcadisé à mort, avec plein de séquences vidéo, de la musique derrière par moments comme le 2001. Enfin, c'était. Ah oui, pendant les corners ou les coups francs, là, tu te croyais sur RMC en fait, parce que RMC il faisait bien ça quand t'avais une action dangereuse, ils mettent toujours une petite musique de suspense. Et ouais, c'est vrai que dans FIFA ils mettaient ça, mais je trouvais ça ridicule quoi. Enfin, je voyais pas l'intérêt de mettre ça quoi. Ouais, en effet, ouais. Ils avaient rajouté des bons effets visuels au niveau des ralentis ou des changements de mi-temps, etc. C'était vraiment pas mal. Mais tout ce qui était autour, bah, moi sincèrement, tu sais, on a vu après le monde des Bleus 2002, là, qui était sorti après la juste Ouais, avant la Coupe du Coupe du Monde, Monde juste 2002. avant, ouais. Et je sais pas, le monde des Bleus, pour moi, il était supérieur à ce que faisait Ah bah, FIFA. tout à fait, hein. Non mais c'est pour dire le monde des Bleus jusqu'à 2005, il faisait quand même mieux que FIFA, quoi. Pourtant, c'était pas forcément la jouabilité, était pas pareil, mais tu t'amusais plus en fait sur le monde des Ouais. Bleus que sur FIFA, quoi. Et le jeu était plus beau, quoi. C'est ça qui était étonnant, quoi. Mais enfin, bon, voilà, quoi. Et FIFA 2003, bah, je trouve que c'était une version qui était pas trop mal. Ouais, il était pas mal, ouais. Surtout sur. Alors, quelle console c'était? C'était la N64, je crois. Non, c'est Ou FIFA la. Non, 2003. la GameCube. C'était la Ouais, la GameCube. GameCube, moi je Ouais. l'avais sur GameCube, ouais. Et sur la GameCube, je trouve qu'il y a eu un C'était bon. renouveau. Ah ouais. Il y a eu un truc vraiment qui s'est passé. Le jeu était vraiment pas si mauvais. Après, il y a toujours l'histoire de la manette qui avantage pas trop le joueur. Mais graphiquement, c'était passé un niveau au-dessus un peu de ce que faisait la PS2 au début. Ben, je m'étais acheté en fait, j'avais donc j'étais en transition, je venais de déménager et au lycée, il y avait un gars qui avait la GameCube et quand on avait des heures de perm, il me disait bah viens tester FIFA 2003. Et je me disais sur GameCube, c'est de la merde quoi. Enfin, tu sais, j'avais une mauvaise tu sais, j'avais encore l'idée de La la N64, N64, voilà. Et je vais jouer chez lui et là franchement, je vois un jeu qui est fluide, qui est beau. C'est vrai que les images étaient belles. T'avais vraiment en plus. Bon, lui, c'était un supporter parisien aussi. Donc, t'avais tous les champs. ouais. T'avais beaucoup de champs parisiens. Ah, tu te disais quand même. Le jeu, il est pas si mal que ça, quoi. Puis, tu joues. C'est fluide. C'est pas mal. Et en fait, je m'étais acheté la GameCube Pour rien que jouer. pour ça. Parce que j'avais trouvé FIFA super beau, quoi. C'est vrai qu'ils avaient refait surtout les mouvements qui étaient vraiment pas bons dans les anciens FIFA. On était passé, tu sais, de joueurs bodybuildés 2001-2002, là, des joueurs vraiment carrés et énormes, à des joueurs beaucoup plus fins dans le 2003-2004, Là, c'est à partir d'ici que les joueurs ressemblaient à des joueurs de foot. bien. Voilà, ils avaient vraiment bien modélisé les joueurs, quoi, en fait. Parce que par exemple, là je regarde une vidéo avec Shevchenko, et c'est vrai que Shevchenko au Milan AC, ils l'ont vraiment bien fait, hein, avec la coupe de cheveux un peu dégradé, etc. Et on commençait vraiment à avoir des joueurs vraiment. Il n'y avait pas que la couleur de peau ni l'aspect du visage. Il y avait C'est vraiment la ça. coupe de cheveux, l'allure. Ils avaient commencé à copier ce que faisait ISS au niveau des mouvements, on va dire copyright de certains joueurs là. Les joueurs se déplacent. Tu vois Del Piero qui se déplace vraiment comme Del Piero. Et Comme les Pierrot, ouais. Et les commentaires sont bien. Alors je m'en rappelle plus qui commente pour la France. Ça doit être, c'est plus de toute façon, c'est plus Gilardi. Hein. Je me demande si c'est pas Margoton avec Rémy Garde ou un truc comme ça. Je m'en rappelle plus. Et franchement, là, ça faisait un peu comme FIFA 2000. Par exemple, t'avais Beckham quand il marquait un penalty. Ah, ça doit le rassurer depuis son penalty manqué face. Ça devait être face au Brésil en 2002, ou face à la Grèce. Je m'en rappelle plus. Tu sais, il avait loupé un penalty qui était complètement. Tu te rappelles, il avait loupé un penalty, mais un truc tout. Il s'était cassé la gueule, je crois, quand il a tiré le penalty. Il avait glissé ou Je m'en il avait souviens pas, complètement. non. Et en fait, ils avaient fait un petit flashback sur un petit clin d'œil sur son penalty manqué. Et tu avais plein de petits clins d'œil comme ça sur des faits qui s'étaient passés. Et j'avais trouvé ça bien aussi, j'avais trouvé ça vivant, quoi. Et il y avait aussi la version Xbox, là, de la toute première Xbox, graphiquement qui était au-dessus de toutes les autres versions. C'était la version GameCube, mais encore meilleure En plus poussé, ouais. visuellement. Mais par contre, elle n'était pas jouable. C'est-à-dire que je me souviens, moi j'adorais jouer. Alors, est-ce que c'est le 2003 ou le 2000? Je crois que c'est le 2003, il y avait le Parc des Princes dedans, je Oui, il crois. y avait le Parc des Princes dans le 2003, ouais. Et je me souviens avoir fait des matchs avec la caméra télé pour vraiment apprécier graphiquement le jeu. Ben, c'était une première aussi, cette caméra-là. Mais on ne pouvait pas jouer, quoi. Non, Je me c'était injouable. souviens avec la manette Xbox, mais c'était une catastrophe. C'était un pavé, déjà, tu avais un pavé dans les mains. Hein. Pavé 3 kilos dans les mains, Ah ouais. rond. Parce que là, ils ont refait les manettes. Hein. D'ailleurs, là, j'ai ma Xbox à côté. Hein. C'est des manettes qui sont plus. Elles sont beaucoup plus ergonomiques. Mais les toutes premières. C'était des pattes d'ours que tu avais dans les mains, quoi. C'était, je sais pas ce que c'était, mais ils avaient un peu merdé leur premier pad, hein, la Xbox. Hein. Donc malheureusement, tu pouvais pas profiter du jeu. Et c'était une version qui était plus buggée que la version GameCube. C'est marrant parce qu'ils avaient fait une version pratiquement différente pour chaque console. C'est vrai. Je sais pas combien de temps ça leur a pris de faire tout ça, mais ils devaient avoir une tonne d'équipe Electronic Arts pour faire des jeux différents C'est sur chaque possible, ouais. version. Et à chaque fois, c'est marrant parce que sur la version PC, ils te spécifient, vous pouvez jouer avec le clavier, la souris et la Ah ouais, manette. non, mais. Bah, le clavier, encore, comme je te dis, quand t'as pris l'habitude, ça va, mais avec la souris, c'est même pas la peine de penser à quoi que ce soit. C'est totalement injouable, hein, de toute façon. Il y a un truc aussi j'avais bien apprécié, c'est quand tu marquais un but dans les dernières minutes. Là, en fait, à l'époque, enfin, pour ceux qui connaissent pas les FIFA de l'époque, tu pouvais pas contrôler ton joueur quand t'avais marqué. C'était une cinématique qui était comme ça. Hein. T'avais une cinématique différente à chaque but. Mais quand tu marquais un but dans les dernières minutes, par exemple, t'avais deux partout, tu marquais dans les toutes dernières secondes, t'avais toute l'équipe qui se, enfin, t'avais tout le monde qui se jetait sur le joueur. T'avais une joie différente. T'avais vraiment la joie du mec qui avait marqué dans les dernières minutes, quoi. En fait, le mec, enfin, c'était une joie spéciale. C'était bien fait aussi, hein, franchement. Après, c'est vrai que pour la PlayStation, tu te retrouvais avec des graphismes de FIFA 2001. C'était sur le déclin, hein, de toute façon. Et je crois, c'est marrant, mais je crois que sur PS2, vraiment, ils avaient abandonné. Ah bah, ils avaient tout abandonné. C'était injouable, en fait. T'avais des. Ah bah, mais si mon pote Gaëtan il écoute ça, FIFA 2003, on y avait joué beaucoup quand on partait en vacances sur la PlayStation. T'avais des équipes qui étaient imbattables. Tu pouvais jamais les gagner. Montpellier, par exemple. Montpellier, tu pouvais jamais les gagner. Tu te faisais entuber toujours par l'IA. Tu te faisais toujours entuber. T'avais beau passer, t'as le mec qui te driblait. C'était un Zidane. Je me rappelle plus qui c'est que tu avais en attaque à l'époque, Frédéric Mansaré ou je sais pas, mais tu avais le mec, c'était Zizou, quoi. Il passait tout le monde, il marquait. Et toi, impossible de marquer des buts, quoi. Ah oui, il y avait déjà ce script où tu avais le joueur qui Ah partait ouais, dans un c'était zigzag avec le clairement ballon collé au pied. FIFA 2003, et de toute façon, c'est jusqu'à 2005, je crois, qu'il est sorti sur la PlayStation, si je dis pas de bêtises. Il était scripté à mort, à mort. Tu avais des équipes qui étaient imbattables. C'était chiant, chiant, mais tu te. T'es obligé de criser, quoi. Tu te disais, mais c'est pas possible de perdre comme ça, quoi. Mais c'est un jeu qui avait été vraiment saqué sur les consoles d'ancienne génération et les consoles qui étaient sorties Ouais, assez récemment, comme la PS2. voilà, il se mettait plus à jour que Mais voilà. GameCube, Xbox, le jeu était assez bien noté. Mais sincèrement, le format CD, à un moment donné, je pense que pour FIFA, Electronic Arts, c'était un peu trop limité. Il fallait vraiment passer à autre chose, comment dire, installer le jeu sur le disque dur comme faisait la Xbox ou le PC pour mettre beaucoup plus de contenu et des C'est graphismes ça. meilleurs. FIFA 2004, c'est décevant parce que c'est là où tu avais les équipes françaises qui étaient très bonnes. Marseille, Monaco, t'avais une saison où tu avais deux équipes qui étaient bonnes et le jeu était assez décevant en fait. Sur PC, il était injouable. C'était injouable, c'était pas beau quoi. T'avais l'impression de jouer avec des joueurs malades quoi. C'était, je sais pas, même l'ambiance était trop lumineux quoi. Je sais pas ce qu'ils ont merdé dans leur programmation, mais c'était trop lumineux quoi. Mais c'est vrai que je me souviens de la version Xbox où tu avais des matchs la nuit qui étaient tellement sombres que tu voyais même plus les tribunes ni les spectateurs, et des matchs en plein jour avec un espèce de voile blanc sur Ça. l'image qui pétait les yeux. Et je pense qu'il y avait eu un gros souci au niveau de la luminosité du jeu dans la programmation, mais Et écoute. voilà. Et du coup, je l'avais racheté sur GameCube. Ça allait. C'était Ouais. plus jouable, mais bon, c'était un peu trop tard, quoi, parce que voilà. Et je me demande si c'est pas à partir de là que t'avais, à partir du 2003, t'avais quelques équipes de deuxième division. Sur le 2004, c'est pareil. T'en avais un petit peu. Oui, Et à Ligue partir 2, de ouais. 2006, Série voilà, t'as. B, Ligue 2. Voilà, et je me demande si c'est pas à partir de 2005 que tu avais plusieurs. Ça a commencé à avoir des divisions inférieures, quoi. Peut-être, ouais, parce que là, faudrait que je regarde le 2003 pour voir ce qu'il disait. 2003, tu avais Le Mans, je crois que tu avais que trois équipes de deuxième division. Hein. Tu avais Le Mans, ou tu avais Drogba, tu avais pas Drogba, mais tu avais Olivier Thomert, je crois, un truc comme ça. Tu avais trois clubs, et puis après 2004, je crois que tu en avais un tout petit peu plus, et c'est à partir de 2005 qu'ils avaient fait la Ligue 2, quoi, en fait. D'accord. Mais c'est vrai que ça, là, le contenu devient de plus en plus énorme, hein, parce que Voilà. sur PC et l'Xbox, comme on a dit, tu peux installer le jeu sur le disque dur, et je pense que là, ils en ont vraiment profité pour mettre beaucoup plus de contenu. Alors, c'est à vérifier si sur PS2 et PS1, tu avais autant de Oh championnats. non, non, non, bah sur PS1 de toute façon c'est pareil, hein, ils avaient complètement abandonné, t'avais pas tout, je crois que t'avais pas tous les clubs, Ouais. je crois pas. Hein. Ouais, voilà, c'est sûrement possible, ouais. Et t'avais alors à partir de FIFA 2004, t'avais un truc de dingue, c'est que en même temps ils avaient sorti FIFA Soccer Manager, enfin LFP Manager pour les Français. D'accord. Donc c'était produit par eSports. Et si tu faisais un championnat sur FIFA, tu pouvais, avec ta sauvegarde, récupérer les données de FIFA sur LFP Ouais. pour jouer avec ton club en étant que l'entraîneur, en fait. D'accord. Et vice-versa. Si tu faisais une partie de LFP que tu avais pris Paris, par exemple, et ben tu pouvais transférer tes données de LFP Manager pour jouer avec ton équipe de Paris sur FIFA. D'accord, d'accord, Mais d'accord. ça, ils ont fait 2 années, puis après ils ont arrêté parce que ça, t'avais plein de bugs, en fait. Oui, il y avait sûrement des corruptions avec les joueurs créés, Voilà, c'est ça. etc. Mais c'était une bonne idée dans l'esprit. Ouais, c'était pas mal, ouais, tu pouvais, c'était sympa, ouais. Mais en général, sincèrement, une personne qui a le FIFA normal, il joue pas au LFP, à mon avis, Non, je pense même pas, ouais. inversement. Mais bon. Ensuite, bon, le 2005, bon, c'est la continuité de 2004, hein, il n'y a rien de. Ouais, sauf que là, ils ont remis un éditeur, alors pas un éditeur de maillot, mais juste un éditeur de personnes, tu pouvais reconstruire des joueurs, en fait. Ouais. Et c'est à partir d'ici, voilà, que tu peux trouver des secondes divisions. Donc, t'avais la deuxième division anglaise, t'avais la Ligue 2. C'est à partir de là, ça, ouais, c'était FIFA 2005 qui m'a pas déplu. Hein. Il était pas mal, mais niveau graphisme, c'était pas ça encore. Ils avaient augmenté un petit peu le graphisme, mais je trouvais que c'était pas encore ça, quoi. Ouais. Ah, mais de toute manière, avant que la nouvelle Xbox sorte en 2006, avec ce jeu Coupe du Monde là qui va arriver, ils avaient gardé toujours cet aspect graphique mi-PS2, C'est ça. mi GameCube, qui était on va dire, un peu raté, mais pas trop d'évolution par rapport à la PS1. Mais en même temps, ils avaient fait sur Xbox quelque chose de supérieur. Donc, il y avait bon espoir pour ce qui arriverait en 2006. Malheureusement, FIFA Coupe du Monde 2006, encore une fois, pour moi, c'était une catastrophe. Il y Ben. avait des joueurs sur le terrain qui allaient à 100 à l'heure dans tous les sens, on Ouais. comprenait rien. Bah, tu sais, pour te dire, hein, j'avais gagné la Coupe du Monde avec le Botswana. Ah bon? Donc, pour te Comment dire t'as fait? que. Non, mais c'est que c'était le jeu, je sais pas, je trouvais un peu trop facile. Et par contre, le gros souci, c'était la pelouse. Mais elle était dégueulasse, la pelouse. Oui. T'avais l'impression de jouer sur. Je sais pas, sur un. Même pas du synthétique. Ça avait même. Je sais pas, la pelouse était floue, en fait. Voilà. La pelouse, elle était complètement floue. Et puis. L'arbitrage était pourri dans cette Coupe du Monde. À chaque fois que tu faisais, tu bousculais un joueur, il y avait faute, quoi. Et moi, ça m'avait dégoûté, Coupe du Monde 2006, quoi. Encore une fois, tu avais un gameplay différent pour la version FIFA 06 sortie sur Xbox 360 avant la version Coupe du Aïe, aïe, Monde. aïe. Et le 06 graphiquement, ben, Ah, c'était il beau. était beau, Ah, oh, c'était magnifique. T'avais des personnages en de cire, quoi. C'était beau. mais tu pouvais pas jouer, c'est C'était pareil. injouable. Il y FIFA avait très peu de 06. touches. Voilà, FIFA 06 et FIFA 07. En fait, ils ont voulu faire un FIFA 4, comme FIFA 98 en route pour la Coupe du Monde. C'était à peu près ça, hein, pour la Xbox 360. C'était très, très, très, très, très, très beau. Mais je comprends pas. C'était trop dur, quoi. Les joueurs, ils étaient lourds. Les actions, tu passais le ballon, t'avais l'impression que le ballon ne collait pas au pied. Enfin, c'était, je sais pas, c'était injouable. Ouais, hein, il était injouable dans plusieurs sens, c'est-à-dire qu'ils avaient enlevé plein de tricks avec la manette par rapport aux versions GameCube et PS2, et tu pouvais pas surtout, on va dire, changer forcément la caméra Ouais, avec c'est une ça qui, vision. voilà. T'avais la caméra trop loin ou trop près. Comment tu pouvais jouer, je sais pas. Et quand tu étais en face du but, et ben tu étais super loin en fait. Donc c'était pas facile pour marquer parce que une fois sur deux, tu tirais complètement à côté, quoi. Et je me souviens qu'il y a des gens qui avaient carrément acheté une Xbox 360 avec une télé HD Ready, ils appelaient ça à l'époque, Ouais. prêt pour le HD en 720p là. Et l'image était belle, hein. C'est sûr que quand tu sortais d'une PS2, surtout quand tu avais les connexions qui n'étaient pas RGB pour certains. Alors moi j'ai de la peine pour les gens qui n'ont jamais acheté de Prispalette RGB à l'époque parce que franchement ils auraient gagné en qualité d'image. Ah oui, ça Et c'est sûr. quand tu passes de ça à une prise VGA là, de la Xbox 360, il y a un monde d'écart. Et le jeu est magnifique, mais pas pour les bonnes raisons, je pense, parce que finalement, tu as plein de gens qui se sont fait avoir par la beauté graphique du jeu, mais le gameplay était naze, complètement Ouais. naze. Et là, La c'est première pareil. fois que c'est la première fois que tu vois des joueurs transpirer en fait. Ah! Et c'est vrai que bah c'était. Waouh, tu te disais, mais c'était vraiment magnifique. En fait, c'était un jeu où il fallait que tu poses la manette, que tu mettes un match IA contre IA et puis que tu regardes le match, quoi. Non, mais c'est ça, hein. Ouais, c'est pas bête, ouais. Mais je pense que j'ai dû le faire aussi. À la fin, quand j'en avais marre avant de le vendre, j'ai dû faire ça, ouais. J'ai dû faire ça. Mais c'est un Et jeu puis. qui a baissé au niveau de la cote assez rapidement, hein. Je crois qu'au bout de 2 mois ou 3 mois, il y en avait plein Bah, puis d'occasions. tu tombes sur FIFA 06 et puis t'as en face ta PES 2006, t'as PES 6 quoi, donc enfin c'est Ouais, c'est compliqué, hein. c'est compliqué quoi. Hein. Même si graphiquement, Et l'autre est largement plus beau. ah ben FIFA 06 sur 360 est 1000 fois plus joli que PES 6 hein, parce que PES 6 sur PS360, comme j'en avais parlé un petit peu hein, sur quand on parlait de PES, les joueurs ils se rentraient dedans, c'était injouable quoi, c'est pareil, c'était pas bien programmé quoi. Un jeu buggé, ouais. Et c'est étonnant parce que après ce FIFA en route pour la Coupe du Monde, ils changent encore une fois le gameplay et ils nous font un jeu à la Sensible Soccer ou USA Injouable. 94 vu de haut, mais qui va à 100 à l'heure, on comprend rien. Mais Tu quand on parles de comprend du rien. FIFA 07? FIFA Coupe du Monde 2006. Ah oui, FIFA Coupe du Monde 2006, ouais, c'est sûr. Celui-là est catastrophique pour plein de choses, quoi. Je crois que ce jeu-là, je l'ai même pas acheté, je l'ai vu en rayon, j'ai vu la catastrophe que c'était. J'ai dit, mais ils nous font une régression de gameplay. J'ai l'impression qu'ils ont voulu copier PES, mais en faisant un truc mais immangeable. Pourtant, ils avaient fait des super beaux stades, les stades de la Coupe du Monde étaient là, Ouais, ça ressemblait bien, mais t'avais la pelouse qui gâchait tout, et puis le gameplay était mauvais, quoi. Ouais. Enfin bref, c'était encore une version ratée de Coupe du Monde après le 2002. Et puis là, on arrive à FIFA 07, Oh, pardon. qui est un petit, il y a un, je trouve que il y a une esquisse de renouveau, une esquisse, c'est-à-dire que tu peux sentir ce qu'ils ont envie de faire pour le 08 et le 09 qui sortira plus tard sur PS3. Graphiquement Tu aussi, ouais. sens qu'il y a un truc qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté le gameplay à 100 à l'heure pour cette édition Coupe du Monde qui avait été lamentable. Et là, il y a. Tu sens que le côté simulation est en train de revenir tout petit à petit, mais c'est pas encore ça. Mais je me souviens avoir assez apprécié certains trucs, surtout sur la 360, hein, je parle. Ben, moi j'ai eu énormément de soucis avec la version 360, je trouvais trop dur, Ouais. je trouvais pas trop jouable, et par contre je me retrouvais mieux avec la version Xbox normale. Ouais. Qui est là, bon bah c'était une version moins beaucoup moins jolie, mais c'était beaucoup plus jouable déjà, tu vois. Ouais. Parce que sur cette version Xbox, l'avantage qu'il y avait, c'était que la modélisation et puis comment dire, les mouvements des joueurs avaient été travaillés d'une manière où tu avais, par exemple, tu reconnaissais Juninho, tu reconnaissais Benzema, tu reconnaissais. Enfin, il y avait des joueurs déjà qui étaient vraiment. Enfin, il n'y avait peut-être pas Benzema, c'était peut-être un peu plus tard au 08 ou Benzema, c'est dans 09. 0,8, je crois, ouais. Ouais. Mais il y avait la façon de se déplacer des joueurs, etc., qui était vraiment intéressante, surtout pour Ronaldinho aussi. Et moi, j'ai vraiment apprécié ce jeu, même si, comme tu dis, il était hyper difficile pour gagner un match, même en niveau normal. C'est ça, Parce ouais. que, je veux dire, sur le terrain, les joueurs étaient tellement lourds qu'ils ne faisaient pas ce que tu voulais. Il fallait C'est ça. penser à ce que tu allais faire avant de tirer ou avant de passer la balle. Donc, du coup, tu te retrouvais avec des matchs où. Tu perdais parce que t'avais appuyé sur la manette, ça avait pas marché. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Moi, je te Mais. dis, je me suis plus éclaté sur les versions old-gen, bon, enfin old-gen Xbox, la première Xbox, Ouais. que sur la version 360, quoi. Ouais. Mais c'est quand même dommage parce qu'à cette époque-là, il y avait la grande équipe de Ah bah Lyon, oui. du Milan AC encore, et tu pouvais faire vraiment un jeu avec des grandes stars. Hein. Parce que, je veux dire, ce qui est arrivé après, où il y a eu un trou avec le Barça et PES, qui a complètement foutu en l'air la grande époque du Barça également, c'est dommage d'avoir raté ces moments-là clés pour C'est un jeu de dommage parce foot. que FIFA 07 et PES 2007, finalement, ce sont deux jeux qui sont pas forcément très bien. Ouais. Et cette année 2007, eh ben, t'es peu servi au niveau 2008, foot, tu veux, quoi. PES 2008, ouais. Ouais, 2008, t'étais pas bien servi au niveau foot. De toute façon, on arrive à FIFA 08. Pour moi, ça commence à devenir un tournant, en fait. Parce que sur 360, le FIFA 08, il est quand même beaucoup plus jouable. Tu commences à avoir le mode devient pro. Là, tu te dis, ouais, s'il continue sur cette lancée, ça peut redevenir un bon jeu. Surtout que, ben voilà, PES 2008, c'est une catastrophe sur 360. Pour moi, PES 2008, je l'ai gardé, allez, j'ai dû le garder une semaine et demie. Parce que, déjà, sur la 360, tu pouvais même pas copier tes ralentis, tu pouvais même pas les sauvegarder. Et de deux, c'était de la merde le jeu. Enfin, il était mal. C'était pas jouable du tout. C'était nul. Et je m'étais pris FIFA 08. Je me suis dit, bah tant pis. Hein, si c'est nul, et ben j'aurai pas de jeu de foot cette année. Et je m'étais amusé avec le 08. C'est vrai que il m'avait bien plu le jeu. Non, elle était bien. Et puis, moi, je me souviens d'un truc, c'est que quand j'ai acheté le jeu, le vendeur, il me dit, ouais, il y a 30 championnats. Je dis, quoi, il y a 30 championnats? Mais non, c'est une blague, vous déconnez. Il y avait vraiment 30 championnats dans le jeu. FIFA 08, c'était 621 équipes, là, je vois, licenciées. Alors c'est sûr que tu tombes avec la ligue irlandaise, la ligue australienne, bon, tu sais pas avec Ouais. ces... Mais t'as du contenu quand même. Bah, il y avait des doublons dans le sens où tu avais des Ligue 2, des Oui, Championships, voilà. la 4e division anglaise aussi. Tu avais des ligues qui servaient vraiment à rien, où tu n'allais jamais mettre les pieds. Ou d'ailleurs, j'ai jamais mis les pieds depuis, quoi. Mais quand tu peux jouer avec autant de choix, bah, tu te dis que tu pourras avoir une grande durée de vie avec ce jeu, quoi. Mais malheureusement, c'est toujours pareil. Toujours avec les mêmes clubs. Et C'est ça. finalement, tu reviens pas sur la. Tu te dis, je vais faire une carrière, je vais partir de 4e division anglaise, je vais monter, mais non, tu l'as fait Bah, jamais. c'est pas possible parce que ça dure tellement longtemps. Même moi, j'ai voulu le faire, hein, faire remonter Wimbledon de 4e division à la première, mais ça prend tellement de temps que puis t'as, au bout d'un moment, tu t'en lasses un peu aussi, quoi. Ouais, parce que le problème qu'il y a dans ces FIFA-là, depuis le 07, où le gameplay a changé, 07, 08, 09, voilà, c'est un peu le même genre, c'est que les matchs se ressemblent beaucoup finalement, C'est ça. et t'as l'impression que les grosses équipes sont favorisées dans le sens où les grands joueurs, tu peux pas les rattraper, les frappes fortes, ça rentre tout le temps. Il y avait plein de petits détails comme ça qui faisaient que c'était tellement déséquilibré avec les grosses équipes. Il fallait. Quand tu joues contre un ami, bon voilà, tout le monde prenait le Real ou le Barça, mais tu pouvais très bien prendre une équipe moyenne et faire un match normal. Ouais, c'est ça. Mais sinon, tu avais des 4K, des gros scores assez D'ailleurs, rapidement. FIFA 09, je me souviens que tu pouvais jouer, donc tu pouvais jouer en ligne, hein, avec la PS3 et la Ouais. 360. T'avais des gens souvent qui prenaient les 4e divisions anglaises justement pour jouer contre le Barça et le Real, et t'en as un qui a fait je sais pas combien de matchs avec une petite équipe anglaise de 4e division, et il battait toutes les grosses équipes, quoi. Chapeau à lui, chapeau. Non, c'est vrai que FIFA 08, c'était vraiment le vrai renouveau de cette série des FIFA depuis le 2001 sur PS1. Ouais. Ça a un peu recommencé à réconcilier les gens, surtout avec le moteur graphique des nouvelles consoles, Ça. PS3, etc. Et la 360. Il y a même eu une version Wii qui est sortie, Oh. mais les versions Wii, C'est c'était complètement une blague. différent. Bah, t'avais le mode, en fait, tu pouvais jouer. Mais c'est, en fait, t'avais un moteur graphique de PS2 sur la Wii. Et tu pouvais jouer avec les Mii, tu sais, bah, les joueurs à grosse tête là. Oui, bien Qui sûr. ressemble à, en fait, si t'avais le Mii de Ronaldo, tu pouvais jouer contre le Mii de Messi, quoi, tu vois. Enfin, c'était pas terrible, quoi. Je l'avais acheté à l'époque, mais c'était n'importe quoi, ce jeu. C'était vraiment pour les gamins, quoi. Ouais. Est-ce que tu veux faire rapidement un passage sur la série jusqu'au 2012? Bah, je vais juste parler, ouais, parce que ça, après, ça se ressemble beaucoup, mais la FIFA 09, pour moi, ça a été un grand tournant. Ouais. C'est là que je me suis vraiment remis à FIFA. Parce que voilà, c'est un truc tout con, hein, mais t'as une démo qui est sortie. Bah, j'en avais déjà parlé, je crois. Hein, t'avais une démo qui était sortie début septembre, si je dis pas de bêtises, ou ouais, de FIFA 09. Et donc tu pouvais faire des matchs amicaux, mais t'avais surtout le mode devient pro qui était vraiment mis en avant. Et dans la démo, bah, t'avais en un contre un, t'avais Ronaldinho contre un gardien. Et tu pouvais jouer en illimité à ce mode-là. Et moi, pendant un mois, je faisais aucun match. J'étais avec Ronaldinho face au gardien. Et tu faisais des tricks. Tu faisais plein de passements de jambes. Tu marquais des buts, des trucs comme ça. Pour moi, c'était la meilleure démo qu'a jamais donné FIFA, quoi. C'était génial. Parce que c'est un truc illimité, quoi, si tu veux. Et ça m'a fait. J'attendais FIFA vraiment avec impatience. Et c'est à partir de cette année-là que je me suis pris les FIFA le jour même, quoi, en fait. D'accord. T'attendais combien de temps à l'époque, juste Bon, avant non, de bah, pouvoir prendre? j'attendais pas longtemps, hein. J'attendais peut-être 2 3 jours après. Tu sais qu'il y a tout le monde qui s'est servi en FIFA. Et à partir de FIFA 09, je me suis mis à l'acheter le jour même, quoi, en fait. Ou des fois, en précommande, je l'avais un jour à l'avance, quoi. Ces FIFA-là, ouais, j'avais l'habitude de les prendre quand ça sortait. Mais là, comme tu dis, 08-09, c'est vraiment intéressant. T'as encore la gestuelle des joueurs qui est améliorée. Ouais. T'as plein de stades avec des météos, le brouillard, la C'est nuit, ça. la brume, etc. Non, mais c'était vraiment pas mal fait du tout. Puis c'est vrai que tu pouvais marquer des buts assez. Enfin, que tu pouvais pas marquer dans les anciens FIFA. Je me souviens, tu avais une espèce de roulette que Ouais. tu pouvais faire. Enfin, c'est un truc, j'avais jamais vu ça. Tu pouvais le faire. Bon, hein, tu pouvais le faire avec n'importe quel joueur. Suffisait de vraiment connaître la façon de faire. Non, franchement, c'était génial. Moi, FIFA 09, pour moi, c'est un des plus beaux souvenirs, quoi, aussi de FIFA, quoi. C'était un des FIFA les plus fun et réalistes en même temps. Ouais, Je me ouais. souviens d'un truc, c'était que quand FIFA 13 est sorti, J'y ai joué chez des personnes et j'ai dit, mais le jeu, qu'est-ce qu'il est chiant, s'ennuie, il est dur. Et pourtant, FIFA 13, il a été plébiscité comme un des meilleurs FIFA. C'est vrai. Mais moi, je le trouvais ennuyeux, mais à mourir. Et quand je me suis dit, tiens, je vais rejouer un vieux FIFA, j'ai mis le 09 et je me suis éclaté, quoi. Le jeu était vraiment génial avec Dortmund, tu jouais dans leur stade, etc. T'avais l'ambiance déjà. C'est En fait, tu ça. te rendais compte qu'entre le 09 et le 13, il n'y avait Il n'y pas avait eu pas beaucoup. énormément de Il n'y avait changements. pas énormément de changements, ouais. Mais le fun était largement plus présent dans le 09 et le côté spectaculaire aussi. Les gestes s'enchaînaient hyper rapidement, c'était bien. Alors que le 13, on avait retrouvé tous les scripts qu'on n'aimait pas, l'ordinateur qui interceptait toutes tes passes, les C'est bugs ça, à l'arbitre qui répétition. sifflait n'importe quoi. Ouais. Enfin, c'était voilà. Il y a juste un truc. Alors, il y avait eu le 2005 où ils avaient remis, on pouvait éditer le nom des joueurs, mais après ils avaient complètement abandonné l'idée d'éditer les équipes. Par contre, à partir de FIFA 09, on pouvait éditer des équipes via une plateforme sur Internet, en fait. Tu pouvais créer ton maillot, tu pouvais rajouter une. Enfin, à l'époque, non, tu pouvais pas. C'est à partir de 2011, je crois, que tu pouvais rajouter de la pub sur le maillot. Tu pouvais te créer une équipe entière et après, il fallait télécharger sur ta console via une option qu'il y avait. Et ça, c'était pas mal. Ça rajoutait un petit peu de vie au jeu. Mais je sais que moi, le dernier FIFA que j'ai vraiment aimé sur PS3 et voilà sur PS4 aussi confondu, c'était surtout le FIFA 12 où ils avaient intégré la technologie des mouvements, des contacts, c'est-à-dire pour un membre du corps spécifique, etc., quand tu te faisais toucher par un autre joueur. Et c'est vrai que c'était l'époque où les patchs correctifs commençaient à pleuvoir sur Ah bah bien PS3 sûr. pour corriger tous les bugs qu'il y avait au lancement du jeu. Mais c'était vachement intéressant et finalement ça a été une réussite avec la durée, cette technologie des contacts là. C'était vraiment une révolution parce que, comme on a dit, voilà, Electronic Arts a réussi sa transition vers la PS3 alors que Konami est complètement foiré. C'est ça. Et Electronic Arts a su innover dans plein de domaines et tout ce que veut reprendre PES actuellement depuis le 2017, 2018, etc. Et ben FIFA a créé énormément de choses que PES veut reprendre aujourd'hui, alors qu'à une époque, c'était Konami vraiment qui créait des trucs et FIFA voulait les copier. C'est quand C'est même ça. dingue comme le monde s'est inversé avec le temps, quoi. Mmh. Et je trouve que Electronic Arts, on peut dire tout ce qu'on veut sur eux, mais c'est une société qui a fait progresser le monde du jeu vidéo dans le sport, Ah, bien sur sûr. les consoles. Et cette technologie des contacts pour chaque membre du corps, je ne sais pas si un jour Konami s'y serait intéressé, parce que finalement leur jeu fonctionnait bien avec un gameplay assez simple, etc. Donc finalement, c'est une bonne idée qu'ils ont eue sur ce côté-là, mais ils ont eu plein de bonnes idées, hein, Electronic Arts. Hein. Je ne sais pas si toi, tu as des idées qu'ils ont pu sortir, que tu as appréciées. Bah, le mode devient pro. Ah oui, bah oui, le mode devient Le mode pro. devient Hein. pro. C'est vrai que moi je suis un fan je suis un fan du mode carrière joueur en fait. Et c'est vrai que ce mode devient pro. Mais je trouve que là il est moins bien qu'au tout début. C'est vrai que FIFA 12, FIFA 11, FIFA 12, je trouvais que le mode devient pro. Alors en plus, tu avais un truc qui était bien justement sur cette plateforme, c'est que tu pouvais scanner ta face en fait et tu pouvais la Oui. retranscrire sur le jeu en fait. Et c'était plus ou moins bien réussi. Alors des fois tu pouvais scanner une face d'un joueur. Moi j'avais fait Chris Waddle et justement ça rendait mais super bien quoi. Et je trouvais que la caméra dans les anciens FIFA à partir de FIFA 11 à FIFA 15, je trouvais que la caméra était quand même mieux pensée que maintenant. Je trouve que là elle est trop proche en fait. Ouais, c'est vrai. Il y a un FIFA dont on n'a pas parlé, c'est le FIFA Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Ah, Et très bon ouais, FIFA. c'était vraiment le meilleur. Je trouve que c'est la meilleure édition Coupe du Monde qu'ils aient faite. Ouais, je prends beaucoup de plaisir à y rejouer. Il y a juste l'arbitrage qui est très mauvais, qui gâche un petit peu vraiment le plaisir de jouer. Mais par contre, celui-là, je l'ai parcouru de long en large. J'ai fait je sais pas combien de qualifications avec des toutes petites nations. Tu pouvais marquer des coups francs, les coups francs, alors pas direct, mais les coups francs indirects. C'était génial, c'était super bien fait. Tu pouvais marquer de très très jolis buts. Ça, cette Coupe du Monde 2010 là, franchement, c'est pour ceux qui collectionnent les jeux de foot, c'est vraiment le jeu à avoir, hein, parce qu'il est, Il est bien, il a pas mal vieilli en plus, hein. Ouais, et puis il y avait l'ambiance avec les Papelitos sur la pelouse, les vuvuzelas dans les tribunes que tu pouvais C'est ça. baisser ou augmenter dans les options du volume si tu en avais marre. C'était assez comique. Et puis il y avait ces menus avec la police d'écriture de cette Coupe du Monde qui était assez belle. Non, franchement, c'était une Coupe du Monde super bien représentée. Comparé aux versions catastrophiques de 2006, même l'Euro 2008 en Suisse a été Ouais, c'était pas bon hein, sur c'était la console. Hein. Non, tu t'ennuyais en fait. Ouais. Pas bon du tout. Hein. Il y avait en plus les stades étaient mal faits, Ouais. le gameplay était trop rapide ou trop lent. C'est Si ça. tu pouvais changer la vitesse, il y avait vitesse lente, normale aussi, etc. Mais non, le jeu. Ils avaient intégré la météo aussi. C'est-à-dire que dans FIFA 08, c'était la première fois, je crois, que ils avaient remis, pardon, la pluie et la neige, ou je ne sais quoi. Ils avaient rajouté un truc, je sais plus ce que c'était. Mais parce qu'ils avaient enlevé avant la pluie, et là, ils l'avaient remise pour la première fois sur les nouvelles Ouais, bien consoles. sûr. Et c'était dégueulasse. C'était pas, non, c'était pas bien fait, ouais. C'était hyper mal fait, ouais. Il y a un truc aussi que tu parlais des Coupes du Monde, ils avaient sorti deux fois les UEFA Champions League Ah oui, 2004-2005 et 2006-2007 qui étaient mais totalement injouables aussi. ouais. Je me demande si c'est des jeux qu'ils ont sortis juste Ah pour la oui, bah ça licence, doit le être pour la fric. licence. Mais c'est pareil, UEFA Champions League, je l'ai gardé 2 semaines parce que c'était totalement injouable, Ouais, quoi. ouais, ouais. Mais pourquoi ne pas C'était. sortir un jeu FIFA normal avec le contenu Champions League Voilà, intégré, là, ils vont le voilà. faire cette année, là. Ils vont le faire cette année. Ouais, voilà. Voilà, mais il faut quand même qu'ils attendent 12 ans pour se rendre compte qu'il faut. Bah, c'est après, vos soucis, c'est que PES avait racheté la licence aussi de la Champions League. Alors, bon, c'était un peu compliqué. Mais des fois, c'est vouloir se faire du fric en sortant des jeux, mais qui sont mais totalement pourris, quoi. Ouais, c'est quand même dingue qu'ils aient pas essayé de reprendre le même moteur graphique et de faire un jeu comme ils faisaient avec les FIFA Coupe du Monde. Ils prenaient le même moteur graphique que le jeu normal. Et là, tu as l'impression que c'est programmé par d'autres personnes qui viennent de je ne sais où. T'as l'impression, et quand tu te dis que normalement le jeu qui sort, c'est les prémices du jeu. Enfin, normalement, quand tu avais Coupe du Monde 1998 et Euro 2000. Graphiquement, c'était les prémices de ce que tu pouvais trouver l'année suivante. Bah après, voilà, tu avais la version PS4 qui était sortie. Je me demande si c'était pas FIFA 14 qui était sortie, la première version PS4, bon, qui était pas mal, qui rajoutait, par exemple, quand tu prenais Milan AC ou le Real, bah tu avais la photo du stade avant. Enfin, là, tu avais la vidéo du stade avant. Voilà, ça te montrait un peu les qualités graphiques de la console. Mais après FIFA 17 qui était pas mal à la fin, qui était nul au début, puis après ils ont fait pas mal de correctifs. C'est vrai qu'à la fin FIFA 17 il est devenu pas si mal que ça. Et puis FIFA 18, bah, j'ai pas compris leur délire. Ce FIFA 18 qui est quand même pas terrible quoi. Hein. Je sais pas ce que t'en penses toi en fait. Le FIFA sur PS4, le tout premier que j'ai acheté, c'était le FIFA 15. J'ai pas acheté le 14 parce que pour moi, il ressemblait trop à la version PS3. Oui, voilà, ouais, ils avaient juste rajouté 2-3 trucs en plus, c'est tout, quoi. Et quand j'ai pris le FIFA 15, j'ai trouvé vraiment un jeu impressionnant graphiquement, mais au bout d'un mois, tu retrouves assez vite les défauts que tu Voilà. supportes pas dans le jeu. Bon, après, le FIFA 16, pour moi, c'était un des meilleurs, entre guillemets, sur C'est ça. PS4. Vraiment réaliste, etc. Un jeu posé. Il est toujours aussi bon d'y jouer, hein, il est bien Ouais. encore FIFA 16. Et par contre, FIFA 17, la vitesse de jeu accélérée, un jeu plus arcade, et puis il faut attendre des mises à jour pour que le jeu soit meilleur avec un. C'est marrant ça parce qu'Electronic Arts, ils ont l'habitude de sortir des démos d'avant jeu final qui sont soit avec une vitesse de jeu trop lente ou soit trop rapide. Et finalement, quand le jeu sort, il est l'opposé de ce qu'était la démo. Et tu retrouves 10 fois plus de bugs dans le jeu final que dans la démo. C'est C'est ça. incompréhensible. Et je me demande vraiment à quel moment, à quoi correspond la démo. Est-ce que ça correspond à un jeu sorti créé à 30% ou 70 ou 80? On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'ils font. Et le problème d'Electronic Arts sur FIFA 18 que les joueurs ont détesté, c'est que alors ça c'est sûr et certain que c'est vrai, c'est que le jeu FIFA 18 quand il est sorti Défensivement, les défenseurs ne savaient pas se placer. Il y avait des boulevards énormes. Tu traversais la défense, tu allais droit au but, même au niveau le plus difficile. C'était lamentable. Les matchs ressemblaient à rien du tout. Et par contre, quand ils ont fait la mise à jour du mois de février ou janvier, je sais plus quand elle est arrivée, même très tard, elle est arrivée au mois de mars, je crois carrément. C'était une version 11.3 ou 6.3, je sais plus comment Ça elle fait beaucoup s'appelait. quand même. Ah, mais c'était énorme. Il y a Non, eu, non, mais c'est vrai, FIFA mais c'est ça. 18, il y a eu près de 15 gigas de mise à jour sur un jeu. C'est un jeu qui fait. Ils ont refait Bah, un tiers ça du fait jeu 10, pratiquement. ça fait 18 Go un jeu, peut-être maintenant, je sais pas, c'est pas Bah, non plus sur énorme. PS4, quand il est installé, il fait 40, 45, 45 gigas en fait, Ouais, quand environ. même. Donc tu te dis qu'ils ont refait un tiers du jeu pratiquement. Ouais. C'est ça. Et c'est quand même dingue d'avoir sorti un jeu en sachant que le jeu était buggé à mort et d'avoir attendu le mois de mars pour faire une mise à jour avant la Coupe du Monde pour avoir le Ce qui sert, gameplay qui voilà. sortirait pour cette Coupe du Monde. Parce que sincèrement, tu joues au gameplay de FIFA 18 Coupe du Monde, bah il est pas trop mal, hein, ça va. Ah Hein. ouais, non, non, ça m'avait agréablement surpris, en Mais fait. on est d'accord que c'est complètement différent de ce qu'ils ont fait quand ils ont sorti FIFA 18, ce Donc, qui en fait, un était. FIFA, faudrait l'acheter au mois de mars, quoi. Mois de mars, mois de Pas mai, quoi quand le championnat est fini, en fait, pour pouvoir en profiter vraiment. Mais ça sert à quoi? Parce que quelques mois après, le nouveau FIFA sort, quoi. Bah, je sais même pas quoi en penser parce que c'est même pas une question d'effectif, c'est une question de finir le jeu. Ils te vendent un jeu en sachant qu'il n'est pas terminé et qu'ils vont y travailler toute l'année pour l'améliorer. Et puis il y a ce gros souci également, c'est-à-dire que la communauté online de ces derniers FIFA a pris tellement d'ampleur qu'ils ne jouent même plus au jeu normal, ces C'est gens-là. ça. Ils jouent que online, ils te disent le jeu est nul parce que si, parce que ça, et tu leur demandes mais de quoi vous parlez? Ah mais nous c'est online qu'on joue. Mais vous essayez même pas le mode carrière, vous essayez Bah même pas c'est le mode ça en fait. gestion, ils jouent pas au Les jeu gens normal. critiquent ceux qui jouent tout seuls. Ils critiquent les joueurs qui jouent en offline, voilà, en disant que ils voient pas l'intérêt de jouer en offline. Alors pourtant, l'intérêt, c'est que t'as des modes carrière, t'as plein de modes en offline qui sont bien, hein. Mais le mode online, bah moi ça m'intéresse plus parce que t'as trop de tricheurs, t'as trop de c'est pas intéressant en fait. Mais c'est surtout que le gameplay n'est pas du tout le même. Voilà. Tu as une vitesse de jeu accentuée en online parce que tu as des problèmes de connexion, ou tu as le jeu qui est très ralenti parce que tu as des problèmes de lag. Après, quand tu retournes sur le mode dans les derniers FIFA, ce qui est très bien, c'est que tu peux paramétrer plein de choses dans le jeu. C'est-à-dire que tu peux paramétrer les lignes défensives, la difficulté du gardien, l'efficacité des attaquants devant les buts, est-ce qu'ils marquent plus de buts ou moins de buts, les contrôles ratés, les passes ratées. Il y a plein de choses paramétrables. Et finalement, le jeu, tu as plus l'impression qu'il est éditable et à toi en fait quand tu y joues. C'est ça. C'est-à-dire qu'une personne pour moi qui joue par défaut à un FIFA actuellement, c'est une personne ignorante qui ne profite pas du jeu à 100%. Bah non, c'est sûr, c'est sûr. Mais ça, c'est compliqué à expliquer à des personnes novices ou qui ont commencé les FIFA depuis 2-3 ans et qui ont besoin de jouer en ligne avec leurs amis sans forcément approfondir les choses. Et ça, je peux comprendre, mais après, tu peux pas critiquer un jeu en disant qu'il est nul pour ci et bien pour ça en faisant seulement 10% de ce que peut produire le jeu en l'exploitant, quoi. Donc, pour moi, mettre un 18 sur 20 ou un 19 sur 20, comme on voit récemment dans les tests des derniers FIFA, en parlant que du online, je trouve ça ridicule. C'est nul, ouais. Et qu'est-ce que tu penses, toi, par exemple, des derniers tests faits sur les grands magazines sur Internet ou Bah, mais c'est, je sais pas, je trouve que c'est pas des tests poussés à 100%, hein, les mecs qui survolent le jeu, hein, pour moi, hein. Je sais pas, je trouve pas que c'est sincère ce qu'ils mettent. C'est pas des notes, des notes justifié? justifiées, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Mais est-ce qu'ils testent vraiment le jeu? Bah, ils doivent tester peut-être 2-3 matchs, à mon avis, ils testent pas tout en entier. Pour moi, un vrai test, en fait, les tests, faudrait pas les sortir. C'est ça le truc qui est bête, mais c'est qu'ils sont obligés. Pour moi, un test, ça se sort pas une semaine avant l'arrivée du jeu. Pour moi, un test, ça se sort 2-3 semaines après, quoi. Ouais, bien sûr, voilà. Pour Surtout. avoir testé le jeu en entier. Parce que eux, ils ont pas le. Ils ont le jeu qui est 90% fini, mais ils n'ont pas tous les modes. Ils doivent pas avoir tous les modes en entier. C'est pas les possible. Les corrections de gameplay que Electronic Arts fait le jour de la sortie, il n'y est pas, quoi. Il y a ça déjà. Et après, quand tu vois bien sûr les testeurs qui testent le jeu sur jeuxvideo.com ou d'autres, et que tu vois les commentaires des gens sur les forums également, c'est une catastrophe. Ça sert à rien de regarder les commentaires parce que tu t'arraches les cheveux, hein, franchement. Tu t'arraches les cheveux. Non, tu t'arraches les cheveux et puis bah t'as tous ceux qui sont entre guillemets un petit peu aguichés par FIFA. Bah tiens, fais-moi un test bien, je te file le jeu gratos. Voilà, t'as plein de gens qui vont être influencés sans que vraiment celui qui teste l'ait testé à 100%, quoi. Il va juste dire du bien parce qu'il a eu des petits cadeaux de la part d'eSports, quoi. C'est tout. Hein. Et ça c'est marrant parce que cette histoire ça a toujours été de coutume hein, dans le monde du magazine, parce que même, remontes très très très très tard à l'époque Atari, Amiga, etc. T'avais des grandes compagnies comme Ubisoft ou d'autres qui payaient les magazines en leur donnant le jeu en avance pour qu'ils puissent y jouer et tester. Et justement, t'as d'autres compagnies qui ne donnaient jamais les jeux en avance pour les tester, et les magazines, pour se venger, ils mettaient des sales notes à ces jeux-là. Des notes de merde, ouais. C'est vrai. Et plusieurs fois, on a vu des notes données à des jeux comme des FIFA complètement ratés avec des super pourcentages, mais qui étaient incompréhensibles. Et même le FIFA 18 qui a reçu une super note à sa sortie alors que le jeu est pas bon. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Tu te demandes vraiment s'ils ont testé le jeu, c'est pas possible. C'est ça. Et puis d'un autre côté, des PES 2016 ou 2017 qui ont été saqués alors qu'ils étaient très bons. Ils étaient très bons. PES ça, c'est 2013 sûr. Même était bon. Hein. Même s'il était trop dur, mais il était très bon. C'était pas, on comprenait pas vraiment les notes. Et t'as tellement de joueurs qui se fient maintenant au peu de revues magazines qu'on a en France. Il faut dire que nous, on a connu la bonne époque quand même. Hein. Maintenant, c'est je sais pas, c'est des tests survolés pour moi. Oui, ça veut plus trop rien dire. Hein. Je pense que l'intérêt vraiment, c'est de regarder dans les forums ce dont parlent les gens au niveau des bugs et de la difficulté pour se donner un avis sur le jeu. Et pas forcément regarder la note finale. Parce que finalement, tu n'apprends pas grand-chose. Hein. Aujourd'hui, quand tu regardes un test sur un magazine ou sur Internet, tout ce que tu vois en gros, c'est une photo d'un joueur hyper connu qui est en train de tirer dans le ballon. Et voilà. En dessous, il y a marqué « Oui, la licence est revenue cette année pour blablabla. » Et finalement, tu arrives à la fin du test, il te parle des équipes, des stades, mais tu n'as rien appris. Tu n'as rien appris. Ou alors, c'est marqué FIFA 19, le renouveau, ou PES 2019, le renouveau. Alors, tu lis le truc et puis tu n'apprends strictement rien. Quoi. Ouais. C'est... À l'époque, on n'avait pas trop le choix parce qu'on n'avait pas Internet. Donc, on lisait les magazines et on se laissait influencer par ce que disaient les mecs qui testaient les jeux vidéo. Mais maintenant, tu as tellement d'endroits où tu peux te prendre... Enfin, et puis, tu as la possibilité de jouer à toutes les démos maintenant. Donc, tu peux... Le mieux, c'est de faire un avis soi-même. S'il n'est pas pareil que l'autre, et c'est pas grave. Si t'aimes PES 2019, et tant mieux. Joue à PES 2019. T'es pas obligé d'aimer FIFA 19. Chacun a son choix a son libre choix de se faire son opinion, quoi. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est révélateur, c'est que t'as plein de YouTubers qui font des vidéos et qui ont tous pratiquement le même avis sur certains jeux. Et justement, c'est bon de regarder ces YouTubers indépendants et pas les YouTubers qui font 150 000 vues, 90 000 vues, comme Bruce Grenek, ancien champion du monde, etc. Tu me parles de lui. Ils sont des gens sponsorisés aujourd'hui. Je respecte cette personne-là, mais quand tu regardes que le mec, juste avant la sortie de FIFA, « Ouais, ça va être un super FIFA, on va bien s'amuser. » Et au cours de la saison... Tu le vois en train de jouer, mais putain, c'est un jeu de merde. T'as son pote Brack qui, lui, à chaque fois, il envoie sa manette dans le décor parce qu'il dit putain, c'est un jeu de merde. Alors que quelques mois avant, putain, ça va être le jeu génial. Ou alors quand il fait une vidéo sérieuse, quand t'es pas en train de le regarder jouer, il dit ouais, FIFA, c'est quand même un jeu vachement bien. Puis deux secondes après, il fait un match comme ça et puis il envoie sa manette en disant que FIFA, c'est de la merde. Ben voilà quoi, les mecs ils sont pas objectifs du tout quoi. Non, c'est certain quoi. C'est des gens de la communication, parce qu'il faut savoir que les publicitaires aujourd'hui et puis les grandes compagnies comme Electronic Arts ou Konami recherchent des youtubeurs qui ont énormément de vues pour justement parler de leur jeu sans forcément investir dans la communication. Voilà. Et ça leur permet d'avoir justement des avis de gens qui peuvent manipuler. Et bon, après, les youtubeurs, ils gagnent de l'argent sur leurs vidéos, ok, il n'y a pas de souci, mais finalement, les vrais clients, les vrais acheteurs du jeu se font avoir parce qu'ils C'est écoutent ces ça. gens-là. Et ils se rendent compte que le jeu n'est pas terrible. Finalement, regarde-toi comme moi, on a pu tester récemment PES 2019. Tous les défauts dont on a parlé au début, avant que le jeu sorte, et juste au moment où le jeu est sorti, se sont révélés vrais. Et tous ces youtubeurs qui en ont parlé en bien en disant que c'était un PES qui était révolutionnaire, ceci, cela, et bien finalement, non, tu te rends compte que le PES 2018 est légèrement mieux pour plein de choses, dont la Champions League. Et finalement, les gestes déguisés qui ont été rajoutés dans ce jeu-là, ben finalement, le gameplay est le même que le 2018. Il y a plein de petits trucs comme ça qui C'est font ça. que on te fait croire que parce qu'on est en 2018 et que 2017 est passé, et ben la meilleure année c'est l'année actuelle. Mais les meilleurs jeux parfois sont les plus anciens. Et quand t'as des gens qui jouent encore à Counter-Strike, à Half-Life 2, à PES 6. À d'anciens Mario Bros, voilà, il y a plein des anciens Zelda aussi. Je veux dire, c'est pas forcément parce que t'as un FIFA qui sort l'année d'après, il va être meilleur que l'autre. Il peut être raté aussi. Je veux dire, les avertissements sont mal perçus et mal donnés aussi par des gens de confiance entre guillemets sur YouTube ou C'est d'autres ça. grands magazines. C'est ça. Et juste avant de finir, j'aimerais juste rajouter aussi que franchement, en France, on n'est vraiment pas du tout bien loti, c'est au niveau des commentateurs, en fait, finalement, hein. Ouais. Ah Et si, il y avait peut-être Margoton avec Rémy Garde, FIFA 2005, où c'était pas si mal que ça, même jusqu'à FIFA 2007, c'était eux. Non, FIFA 2006, t'avais Eugène Saccomanno, avec je me rappelle plus qui. C'était pas mal, mais t'aurais préféré voir un Saccomanno comme le Saccomanno que t'écoutais à Europe 1 à l'époque, avec ses petits délires de oui. voix. Mais sinon, à chaque fois, on tombait avec des gens qui n'ont jamais commenté ensemble ou qui font même pas partie des commentateurs. Maintenant, tu retombes avec Hervé Matou et Pierre Ménès, Ah, et c'est c'est une nul. catastrophe. PES, c'est pareil, ils prennent Grégoire Margoton avec Darren Tullet. Mais Darren Ouais. Tullet, c'est d'une nullité. Mais franchement, il gâche le match, ce mec-là, quoi. Tu mets les autres commentateurs, c'est quand même beaucoup plus vivant, quoi. Mais en France, on n'a jamais eu de chance. Et la seule fois où on a pu avoir deux commentateurs dans le monde des bleus, Thierry Roland et Jean-Michel Larqué, bah, je suis désolé, c'était nul. Donc voilà, on n'arrive pas à exploiter correctement les commentaires, quoi. Je comprends pas pourquoi en France on n'est pas capable de prendre. Bah, tu prends Margoton avec Lisa Razou. Pourquoi c'est pas possible? Parce que Lisa Razou il veut pas, je sais pas, mais faites quelque chose de cohérent. Je suis Mais sûr que tu aurais vraiment deux vrais commentateurs, déjà ça pourrait changer pas mal de trucs, quoi. c'est peut-être possible qu'on lui ait proposé des choses, mais le souci c'est qu'après, si on demande à des célébrités de lire des phrases qui sont ridicules, alors peut-être que des gens comme Pierre Ménès, ça leur fait plaisir, ou ils s'en Ouais, foutent parce c'est que sûr. le ridicule ne tue pas chez eux, surtout quand il y a de l'argent à la clé. Donc c'est pas Oui. un problème, mais après des gens comme Lisa Razou qui ont des forts égos et d'autres footballeurs, je pense pas qu'ils ont envie de lire des phrases qui veulent rien dire et surtout qui collent pas à l'intensité du match ou des choses comme ça. Quand on entend Pierre Ménès dire des conneries, voilà, je Oui, dis ma bonne dame. vulgairement, c'est des vraies conneries quoi. C'est Le ça. match a commencé, il nous parle comme si on allait dormir ou se C'est coucher ça. quoi. Ça, c'est ou qu'on joue mal. Darren Tullet qui nous sort des phrases, ah fallait pas faire ça, c'est très mal joué. Enfin bon, le jeu quand même, on l'a acheté, il est à nous. On entend un mec qui nous casse les oreilles parce C'est ça qui qu'il nous nous dit qu'il bâche joue en mal. fait. Ouais. Moi j'ai pas envie d'écouter un mec qui dit que je joue mal. Même si je suis en train d'apprendre le jeu ou quoi, ou peut-être que c'est vrai. T'es là pour t'amuser, t'es pas là pour C'est entendre un ça. mec qui t'ennuie. Enfin, je comprends pas comment les gens pensent. Les commentaires au moment où ils les mettent dans le jeu, quoi, On c'est. sait rien. Non, mais les commentaires anglais sont quand même beaucoup plus fournis. Hein. Ouais. Quand tu joues la première ligue, moi j'ai la chance de regarder de temps en temps des matchs sur Sky Sport, franchement, tu ressens vraiment la vraie ambiance de la première ligue, quoi. Ouais. Bon, ce serait pas bien de mettre Stéphane Guy en commentaire, parce que franchement, ce serait agaçant aussi. Mais je sais pas, t'as quand même des duos d'attaque de commentateurs qui sont pas mal, je Ah sais mais tu pas. verras que Stéphane Guy, on va y arriver, hein. C'est, ouais. tu verras, soit sur Konami, soit sur Ouais. Electronic Arts, mais ils vont arriver. C'est pratiquement sûr, parce qu'ils cherchent tout de suite, ces gens-là cherchent tout de suite les gens qui sont le plus en vue à la télé sur les matchs. C'est Donc vrai. là, on n'évite pas Ganilé à la mi-temps, c'est déjà ça. Alors Mais. Christophe Joss avec avec Daniel Bravo. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas très objectifs aussi, mais bon, écoute. Bah, moi je préfère eux deux Les gens que d'OL Christophe TV. Joss, déjà. Ouais. Ouais, c'est ça. Avec Bernard Lacombe à la présentation des matchs. Putain, encore une femme avec un ballon. Puis... Non, mais là le top, là. ça sera un jeu sponsorisé par beIN Sport au niveau des commentateurs. Ah bah oui. Ah là, tu mets Omar Da Fonseca. Là, t'es dans un Ah bah délire. non, mais Tu là. sais que t'es dans un délire, mais tu sais que tu vas t'amuser. Il lui a fait Voilà. l'amour, sans préliminaire. Ouais, mais tu Sans lui sais utiliser ses que. cartes de visite. Non mais. Ouais. Mais ça, c'est génial parce que c'est ça que tu as envie. Quand tu joues en football, c'est des commentateurs qui te dérangent pas quand tu joues, premièrement, et qui apportent quelque chose de fun au jeu. Pas des fausses statistiques sur ah, il a joué au stade Vélodrome, moi je connais bien le stade Vélodrome, mais on s'en fout que tu y as joué. Tous les matchs, on va entendre que tu y as joué toute ta vie C'est là-bas. ça. Même le. Je dis pas ça pour les Marseillais, mais je veux dire, tu vas faire un match avec l'OM, tout de suite le mec il va te dire qu'il a joué au Vélodrome à chaque match que tu veux. Mais il faut y C'est ça. penser à toutes ces choses-là. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Enfin, bref, Ouais. je pense pas qu'on trouve. Moi, la meilleure solution que je vous dis, c'est de couper les commentaires, point final. Vous jouerez mieux déjà, vous serez plus concentré. Toi, ce FIFA 19, comment tu l'attends par exemple? Non, mais je vais me le prendre parce Vas-y. que voilà, il y a la Champions League, il y a plein de petits trucs qu'ils ont rajoutés qui peuvent être pas mal. J'arriverai peut-être plus à m'amuser avec FIFA 19 qu'avec PES 2019, quoi. Ah, mais Même si ça. PES 2019, il y a des bons trucs quand même, hein. Je sais pas, il est pas acheté ce jeu-là, hein. Il est Non. pas. Mais bon, j'attends de voir, hein, pour vraiment me faire une opinion, quoi. Plus que Mais l'autre. on se devait faire FIFA de toute façon, c'était obligé, hein. On avait parlé de PES, fallait parler du concurrent, quoi. Bah, d'ailleurs, on vous mettra quelques bandes son à écouter en fin d'émission si vous voulez entendre les meilleures musiques d'intro de l'histoire des FIFA. Donc, merci Nico d'avoir participé. Ben, et de rien, c'est toujours un plaisir. Et puis passez une bonne fin de journée, salut! Salut! Stop the run.